corpo contro la piste d'or. Usami Luca e me loco, usami Luca e me loco. Bah tu la tapes pas, tu l'as dans le naso. J'ai du whisky dans mon sac à dos. Souvent sur la piste, rejoins des popos. Elle a fait la belle poche en bleu de la Clio. Que tu parles de gosse, c'est toi qui dois les donner. Tu veux faire un tête, je sais pas si tu vas tenir. Tu m'as négligé, tu faisais que rigoler. T'es trop couplé, après t'es venu me la tenir. Ce soir je vais tout casser. Je suis avec Jika sur la piste. J'avoue ça va Marco. T'es mal le sac quand même me pisse. Le manque d'autonomie nous pousse à l'agonie. On est dans le four, pas la gastronomie. Ça part en couille pour son astronomie. Qu'on va rentrer en guerre si tu m'aimes, follow me. Détail plaquette comme du bloc président. Y'a des sous à faire mais je te sens hésitant. Tu te posais au check ou posais au bar. On esquive pas les problèmes en les évitant. Je vais te casser la pavette et te laisser sur la béquille. Y'a pas qu'on pendant que je mets les palettes. Très démarre, on veut du liquide. Une envie de faire la malin. La la la la la la. Ton poteau il a la boca. Oh la la la la la. Où sont mes locaux et mes locaux. La la la la la la. Où sont mes locaux et mes locaux. La la la la la la. Ton poteau il est beau quand il est gros, c'est pas ce qu'il a. Je préfère la piste de danse, moi j'sais pas ce qu'il est. Elle est pleine de manières, gros c'est pas ce qu'elle a. Mets-toi en le vrai si tu veux rester maquillé. Mets-toi en le vrai si tu veux rester maquillé. Ma vie c'est pas normal. J'ai bu et fumé toute la noche. Moi je sens oui on va tout casser. Sur la piste on arrive défoncé. Elle fait la belle elle est même pas tassée. Bouge de là tu nous fais remarquer. Dans ma tête ça fait boum boum boum boum. J'ai changé la donne donne donne donne. J'ai cassé ma sim sim sim sim. Moi j'ai évité la tol tol tol tol. Une envie de faire un malin. La la la la la la. Ton poteau il a la boca. Oh la la la la la. Où sont mes locaux et mes locaux. Le boss survêt du Real, parfait Hugo Boss. Une envie de faire un malin.